الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، en ce mercredi le 2 Jumad al-Akhira de l'année 1443 égyrienne, correspondant au 5 janvier 2022, j'ai appris avec grande tristesse la perte d'un illustre savant de l'islam. Aujourd'hui, la communauté musulmane a perdu l'un de ses savants les plus émérites. L'une des plus grandes catastrophes qui puissent toucher la communauté musulmane, c'est sans aucun doute la perte d'un savant. La vie des savants est un trésor comme leur mort est une catastrophe. Ces savants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevés, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élève en degré ceux parmi vous qui croient et ceux qui ont reçu la science. Ces savants dont Allah Azza wa Jal a attesté de leur piété et de leur crainte. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Parmi les hommes, seuls les savants craignent Allah. Ces savants au sujet desquels le prophète alayhi salatu wa salam a dit وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. La supériorité du savant vis-à-vis de l'adorateur est comme celle de la pleine lune sur le reste des astres. Ces savants, qui sont comme l'a dit l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah, هُمْ فِي الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ بِهِمْ يَهْتَدِي الْحَيْرَانُ فِي الظَّلْمَاءِ وَحَاجَةُ النَّاسِ إِلَيْهِمْ أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. Ils sont sur terre comme les étoiles dans le ciel. À travers eux, l'égaré dans les ténèbres retrouve son chemin. Les gens ont besoin d'eux plus qu'ils n'ont besoin de boire et de manger. Abu Ayyub al-Sirtiyani rahimahullah disait: lorsque l'on m'informe de la mort d'un homme parmi les gens de la Sunna, c'est comme si je perdais un membre de mon corps. Que dire lorsque cet homme qui décède parmi les gens de la Sunna fait partie des illustres savants de l'islam? La perte d'un savant est une brèche qui ne peut se refermer, comme l'a dit Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Par la perte des savants, la science diminue et l'ignorance augmente. Ce matin est décédé son éminence, Cheikh Salih Ibn Muhammad al-Haydan, rahimahullah ta'ala, à l'âge de 90 ans. C'était un savant émérite, né en l'an 1350 de l'Égypte, correspondant à l'année 1931, dans la région d'Al-Qasim en Arabie Saoudite, où la famille al-Haydan y est réputée. Et notamment, beaucoup de ses membres sont des savants, des juges et des juristes. C'était un élève d'éminents savants, tels que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Abdul Razzaq Al-Afifi, Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti et d'autres, rahimahumullah. En 1379 de l'Égypte, correspondant à l'année 1959, il fut le secrétaire du grand savant, le mufti de l'Arabie Saoudite, à l'époque, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Al-Sheikh, rahimahullah. En 1384 de l'Égypte, correspondant à l'année 1964, il fut le président de la Cour de justice de Riyad. En 1391, correspondant à l'année 1971, il fut membre du comité des grands savants d'Arabie Saoudite, Hay'atu Kibar al-Ulama, depuis sa création à l'époque du roi Faisal d'Arabie Saoudite. En 1399, correspondant à l'année 1979, Cheikh Salih ibn Muhammad al-Haydan fut celui qui effectua le prêche de Arafat lors du pèlerinage de cette même année. Entre les années 1413 et 1430, correspondant aux années 1992 à 2009, il fut le président de la Cour suprême d'Arabie Saoudite, le plus prestigieux poste au sein de la justice saoudienne. Malgré les différents postes qu'il a occupés, rahimahullah, Cheikh Salih al-Haydan n'a pas manqué à son devoir d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Il participait à différentes émissions, aussi bien à la radio comme à la télévision, dans lesquelles il répondait aux questions des auditeurs et téléspectateurs. Il a donné un nombre considérable de conférences et de cours. Lorsqu'il se rendait à la Mecque, il donnait des cours dans la mosquée sacrée Al-Masjid al-Haram. Ces multiples exhortations, auxquelles j'ai pu assister durant plusieurs années successives, dans l'esplanade de la Kaaba, durant les nuits de Ramadan, resteront pour moi inoubliables. C'était un savant émérite, un exhortateur hors pair, un dévot. Il prodiguait le bon conseil à la communauté musulmane, de façon générale, et à sa jeunesse de façon particulière. Il accordait une attention particulière aux musulmans opprimés dans le monde, et il invoquait souvent Allah, subhanahu wa ta'ala, afin qu'il les secoure et soulage leurs souffrances. Il ordonnait le bien et interdisait le mal, et ce jusqu'à la fin de ses jours, rahimahullah. Cheikh Salih ibn Muhammad al-Haydan, c'est donc 50 ans de justice et plus de 60 années d'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces quelques paroles au sujet de ce savant ne sont que l'ébauche d'un bref aperçu de sa personnalité et de sa place au sein de la communauté musulmane. Notre devoir vis-à-vis des savants de l'islam, après leur mort, consiste à faire leurs éloges et à les citer de la plus belle des manières, consiste à exposer ce qu'ils ont accompli pour la communauté musulmane, consiste à diffuser la science qu'ils ont transmise à travers leurs livres, leurs cours, consiste à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur, afin qu'il les couvre de sa miséricorde, qu'il décuple leur récompense et leur ouvre les portes de son vaste paradis. Allahumma arham al-Sheikh al-Salih ibn Muhammadin al-Haydan. Allahumma arhamhu wa arfa' darajatahu fi al-Mahdiyin. Wa khlufhu fi aqibihi fi al-Ghabirin. Wa aghfir lana wa lahu ya Rabb al-Alamin. Wa afsah lahu fi qabrih. ونور له فيه اللهم جازه عنا وعن الإسلام وأهله خير الجزاء اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.